chat contre les hyènes et les vautours. Dans la forêt béton, les arbres sont des tours. Les requins de la finance veulent faire leurs affaires. C'est pourquoi résonneront les langues de vipères. Pour survivre, faut être malin comme un singe. On tombe pas dans les pièges des rapaces en beau linge. Mais ici, les rapaces sont protégés par les gorilles, les mêmes qui enferment les fauves derrière les grilles. Méfie-toi des yeux de biche qui s'envergognent à guiche. Tous les chiens dans leur niche, ces derniers font l'autruche. Elles n'hésitent pas, elles trichent. T'as le dos dans ta ruche. Elles voleront les plus riches et boiront l'eau de ta cruche. Bienvenue dans la jungle, la forêt et le zoo. Là où les hommes se conduisent en animaux. Aiguisez vos griffes et affûtez vos crocs. Soit t'es prédateur, soit tuez l'agneau. Bienvenue dans la jungle, la forêt et le zoo. Là où les hommes se conduisent en animaux. Aiguisez vos griffes et affûtez vos crocs. Soit t'es prédateur, soit tuez l'agneau. Bienvenue dans ma forêt, donc la faune et la flore. La seule loi qu'on applique, c'est la loi du plus fort. Le raciste a épousé la femme d'abord. Et la blanche colombe a disparu du décor. Malgré l'âge avancé, les éléphants veulent dominer. Donc ne t'étonne pas si les pigeons se font plumer. C'est l'odeur fétide des espèces menacées. Jusqu'à ta carcasse, le rat ira te ronger avec une haleine de coyote. Ils crieront au loup pendant que les médias se camouflent en agneau doux. Font les marmottes, maintiennent les moutons dans le troupeau. Mais le berger est allemand et il aura ta peau. Bienvenue dans la jungle, la forêt et le zoo. Là où les hommes se conduisent en animaux. Aiguisez vos griffes et affûtez vos crocs. Soit t'es prédateur, soit tuez l'agneau. Bienvenue dans la jungle, la forêt et le zoo. Là où les hommes se conduisent en animaux. Aiguisez vos griffes et affûtez vos crocs. Soit t'es prédateur, soit tuez l'agneau. Abeille qu'en fait le miel va chercher jeunes fleurs et non vieux fruits. Arrête les hommes, ou pire les chiens. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Allez, ça va pas, rejoindre le bétail. Bienvenue dans le zoo, j'y suis comme un poisson dans l'eau. Même si au-dessus survolent les corbeaux. Dans ces contrées, ces chiens de la casse contre poulet. Seuls s'en sortiront les renards les plus rusés. Les chacals répugnants chassent les vaches à lait. Ils trouvent ça chouette, mais en fait tout ça effraie. La jungle a changé ses lois, le lion n'y est plus roi. Faut faire preuve de stratégie, comme le cheval de Troie. Heureusement dans la savane, y'a aussi des gazelles. Indépendantes et belles, de l'amour chez les tourterelles. Des panthères noires qui combattent sans couronne. T'es comme un âne, j'attrape le taureau par les cornes. Bienvenue dans la jungle, la forêt et le zoo. Là où les hommes se conduisent en animaux. Aiguisez vos griffes et affûtez vos crocs. Soit t'es prédateur, soit tuez l'agneau. Bienvenue dans la jungle, la forêt et le zoo. Là où les hommes se conduisent en animaux. Aiguisez vos griffes et affûtez vos crocs. Soit t'es prédateur, soit tuez l'agneau. Bienvenue dans la jungle, la forêt et le zoo. Là où les hommes se conduisent en animaux. Aiguisez vos griffes et affûtez vos crocs. Soit t'es prédateur, soit tuez l'agneau.